Jean-Baptiste a achevé sa carrière en prison. Devant les hommes, il avait paru comme un messager annonçant les foudres du jugement de Dieu, mais aussi comme un témoin éphémère, sitôt disparu, sitôt oublié. Cependant, Jean, qu'était-il aux yeux de Jésus-Christ, son divin maître? Il nous faut bien consacrer une émission à ce grand sujet, car à plusieurs reprises, le Seigneur a parlé de Jean-Baptiste, soit avant, soit après sa mort. D'abord, lorsque Jean était en prison et qu'il a adressé un message à Jésus. Après le départ des envoyés de Jean, Jésus a demandé à ceux qui l'entouraient « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » Peut-être certains considéraient-ils Jean-Baptiste comme un étrange visionnaire. Mais pour le Seigneur, il était le plus grand des prophètes. Aussi a-t-il ajouté « C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Matthieu 11, 7 à 11. Jean était donc grand aux yeux du Seigneur. Mais le précurseur du Messie n'avait pas tous nos privilèges. Il n'a pas pu, comme nous, goûter à tous les avantages de la grâce divine qui fait de nous des citoyens du royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur a ajouté, au sujet de Jean, « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Comment se fait-il que vous soyez, que nous soyons, en notre qualité de citoyens du royaume des cieux, plus grands que le plus grand des prophètes? Permettez une image. Le petit enfant, placé au sommet d'une montagne, se tient à une altitude plus élevée que le géant resté au fond de la vallée. En d'autres termes, la position du plus humble des enfants de Dieu en notre époque de grâce est plus élevée aux yeux du Seigneur que celle du plus grand des prophètes, placé malgré lui dans la profonde vallée du temps de la loi. Car lorsque Jean-Baptiste s'est manifesté, c'était encore le régime de la loi de Moïse qui, rappelons-le, ne s'est achevé qu'au moment où Jésus-Christ s'est écrié du haut de la croix « Tout est accompli » Jean 19, 30. Passons plus loin. Un jour, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui demander « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Matthieu 17, 10. Il faut rappeler ici que l'Ancien Testament s'achève sur l'annonce du retour du prophète Élie sur terre avant que le Messie ne revienne ici-bas pour juger le monde. Une perspective que le Seigneur a lui-même confirmée dans ce même passage en déclarant « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. » Verset 11. Mais Jésus s'est saisi de l'interrogation de ses disciples quant au retour d'Élie pour montrer le lien qu'il y a entre Élie et Jean-Baptiste. Selon ce qui était prévu de Jean avant sa naissance, Luc 1, 17, il devait venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean n'a-t-il pas tranché les camps en Israël comme Élie le fit en son temps au Mont Carmel? Vous vous souvenez peut-être de sa proclamation. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Or, à l'instar de celle d'Élie, la prédication de Jean-Baptiste a aussi placé le peuple d'Israël devant une décision. Ou bien se repentir, ou bien se détourner de Dieu. Comme Élie, Jean a dénoncé le péché. Et comme Élie, Jean a été approuvé de Dieu. Le feu de Dieu qui était descendu sur le sacrifice offert par Élie au Mont Carmel est également descendu dans la vie de Jean pour faire de lui un brandon communiquant la flamme du message divin aux foules. Cependant, Jean a été rejeté, maltraité, incarcéré. C'est ce que le Seigneur rappelle en quelques mots dans ce passage de Matthieu 17. Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Verset 12. Aussi n'est-ce pas étonnant que nous lisions ensuite? Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Nouvelle occasion où Jésus-Christ évoque Jean-Baptiste, C'est lorsque les pharisiens et les docteurs de la loi lui ont demandé « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Matthieu 21, verset 23. Alors Jésus les a mis dans l'embarras, leur posant à son tour une question. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? L'attitude des pharisiens face à ce problème laisse apparaître toute l'hypocrisie qui les caractérisait. Écoutons-les discuter entre eux. Si nous répondons « du ciel », il nous dira « pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons « des hommes », nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Devant ce dilemme, ils se sont dérobés à la vérité pour répondre à Jésus. Nous ne savons. Nous ne savons. C'est grave de prétendre ne pas savoir quand on sait fort bien. Et dire qu'en notre fin de siècle, il y en est beaucoup qui savent fort bien que la Bible et son message procèdent de Dieu, mais ne veulent pas se repentir de leurs fautes, préférant adopter une attitude d'indifférence devant le plaidoyer de grâce adressé du ciel aux hommes. Chers amis à l'écoute, vous ne pourrez pas toujours dire « nous ne savons, je ne sais pas ». Car ce que vous apprenez de la parole de Dieu, ce que vous entendez en ce moment même de l'appel du Seigneur, répercuté très imparfaitement par cette modeste émission, vous rend responsable devant Dieu face à l'éternité. Permettez-moi de m'arrêter encore à un dernier témoignage rendu par Jésus au sujet de Jean-Baptiste, et cela sans doute comme un hommage posthume. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean 5, 35. Par ces mots, le Seigneur s'adressait d'abord aux Juifs de Jérusalem, comme s'il leur disait « La lampe que Dieu avait allumée en la personne de Jean-Baptiste s'est éteinte pour vous. Vous n'avez pas su profiter de l'opportunité qui vous était offerte. Maintenant, c'est trop tard. Vous avez refusé la grâce de Dieu et vous avez choisi vous-même votre sort éternel de perdition, loin de la lumière divine. » Un verdict confirmé d'ailleurs par cette autre parole du Seigneur prononcée à cette même époque. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Luc 7, 30. Comme nous l'avons déjà dit, Dieu avait un dessein de grâce et d'amour, même pour ces pharisiens et ces docteurs de la loi qui, par la suite, l'ont condamné. Cependant, les chefs religieux d'Israël se sont écartés du plan de Dieu, et pour eux, la lumière s'est définitivement éteinte, parce qu'ils ont sombré dans les ténèbres de l'incrédulité. Mais par cette parole, « Jean était la lampe qui brûle et qui luit », le Seigneur voulait aussi nous présenter son précurseur comme un témoin modèle dont nous sommes appelés à suivre les traces. La juxtaposition des deux verbes « brûler » et « luire » m'a parlé. Que de gens veulent « luire » sans « brûler ». Résultat, ils ne brillent ni ne brûlent. Car nul ne peut « luire » sans « brûler » d'abord. En d'autres termes, nul ne peut apporter la lumière divine dans le monde sans qu'auparavant le feu de Dieu ne le consume. Notre génération n'a que faire des beaux parleurs qui prêchent un évangile social et qui scintillent comme des feux follets sans éclairer ni réchauffer. Elle attend le message de Dieu transmis par des hommes et des femmes qui ne se ménagent pas et qui ont renoncé à tout parce que leur cœur brûle de l'amour divin pour les âmes. Chers amis, Jean fut la lumière qui brûle et qui luit. Il aurait pu connaître les honneurs humains, mais il a préféré la solitude du désert. Il aurait pu se nourrir de repas princiers, il s'est contenté des sauterelles des rives du Jourdain. En d'autres termes, il s'est soustrait à la vie facile et à la popularité pour proclamer le message dynamique de la repentance, un message qui suscitait partout l'opposition. Or, aujourd'hui, nous avons à présenter, comme Jean-Baptiste, un message qui tranche, celui de la croix du calvaire. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 23 à 24. Et c'est toujours ainsi. La croix sépare les camps. Quand elle est annoncée en vérité et en puissance, le vice est démasqué, les situations sont mises en ordre et le mal ne peut plus cohabiter avec la vraie piété. La lampe de Jean a brillé à l'époque sur toute la Palestine. Mais tel un rayon laser, cette lumière franchit l'histoire pour transpercer les ténèbres de notre époque d'immoralité et d'oubli de Dieu. Chers amis, ne pensez-vous pas que notre génération a besoin de nouveaux Jean-Baptiste qui, avec un cœur brûlant de l'amour de Dieu, détourneront les âmes de la perdition éternelle pour les amener à la vie éternelle? Oh, qu'à l'instar de Jean-Baptiste, nous remplissions tous les conditions qui permettront au Seigneur de nous employer pour la propagation de son évangile et pour le salut des âmes. Et pour cela, soyons prêts d'être comme Jean-Baptiste, rejetés avec le Maître. Tenons-nous au pied du Maître pour recevoir ses instructions, puis témoignons au nom du Maître, afin qu'un jour, nous puissions, comme Jean-Baptiste, nous tenir devant le Maître et l'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Matthieu 25, 21. Que le Seigneur vous bénisse richement.